Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 418-276-80. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde, 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien, 418-679-4194. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina d'Olbou-Mistassini au 418-276-2108. L'équipe de Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant l'année 2019. Polaire 3 au 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5018 ou visitez lepolaire3.com. On va parler de la NCAA avec mon ami Wallet. Salut Wallet. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, évidemment, donc c'est les traditionnels bowls et... On va commencer avec les éliminatoires qui ont lieu demain. D'abord, Oklahoma contre LSU. Oklahoma qui est 4, LSU qui est 1. Ça, c'est dans le Camping World Bowl. LSU et Oklahoma, dans le fond, ils s'affrontent au Chick-fil-A Peach Bowl. Ouais. Le match est joué à Atlanta, là, au domicile des Falcons d'Atlanta. On le sait, là, LSU ont terminé premier la saison régulière. Là, une saison parfaite de 13 victoires, aucune défaite. Des grosses victoires cette saison là, contre des équipes classées parmi le top 25. Là, on se rappellera de leur victoire contre Texas, Auburn, Georgia, Florida et naturellement Alabama. Du côté de Oklahoma, on peut quasiment dire qu'ils sont là par défaut. Je pense que c'est la meilleure des équipes restantes qui ne s'est pas classée parmi le fameux top 3. Là. Donc, ils terminent quatrième. Probablement les meilleurs champions de conférence qui sont pas finis parfaits. Là. Ils ont fini avec une fiche de 12 victoires, une défaite. Là, on se rappellera, leur défaite était à la fin octobre contre les Wildcats de Kansas State. Deux grosses victoires là, pour Oklahoma contre Baylor en fin de saison. Des matchs où est-ce qu'on a vu que l'équipe revenir de l'arrière. Beaucoup de leadership là, dans cette équipe-là. Donc, une place quand même méritée. Là. Je pense que ça va être un match intéressant. Là. Moi, je pense que ça va être vraiment au niveau de c'est la défensive des Sooners, je pense, qui va dicter un peu le ton de ce match-là. On le dit souvent, là, c'est pas tout le temps la meilleure défensive. Ouais. Mais quand ils se présentent et qu'ils connaissent un bon match, ça va être une défensive assez dangereuse. Là. Je regarde un gars comme Kenneth Murray, qui est leur middle linebacker. Un gars de 6 pieds 2, 234 livres, pas le plus gros gars, mais il bouge très très vite. On dirait que tous les jeux défensifs de l'équipe, on dirait qu'il est sur chacun des plaqués. Puis devant lui, t'as Neville Gallimore au poste de defensive tackle. Un gros monsieur de 302 livres, là, qui, c'est pas rare de le voir en couverture double. Puis souvent, ça laisse un peu de terrain à Kenneth Murray. Donc, si la défensive des Sooners peut les permettre de rester dans le match, je pense qu'ils ont une bonne chance d'être compétitifs. Là. On le sait, là, il y a une offensive assez explosive là, avec Jalen Hurts au poste de corps arrière qui a déjà atteint le plateau des 5000 verges. 5000 verges combinées par la passe et au sol, près de 50 touchés. On rajoute à ça un excellent porteur de ballon à la personne de... J'oublie son nom, c'est... Je conseille que leur receveur, là, le receveur de passe CD Lamb, là, ça fait plusieurs semaines là, que je parle de CD Lamb comme potentiellement mon receveur préféré pour le prochain repêchage dans la NFL. Okay. Je pense qu'on l'a vu cette année, ça a été sa cible de choix. Puis juste plus cher pour terminer, le porteur de ballon Kennedy Brooks qui a connu une grosse saison là, au-dessus de 1000 verges. Je pense que ça va être un bon duel offensif. On parle de deux défensives qui parfois se présente pas tout le temps. Donc, ça va être vraiment de voir c'est quel défensif qui va se présenter le plus fort. On le sait, là, du côté de LSU, on a Joe Burrow, le récipiendaire du trophée Heisman. Il a quand même une saison exceptionnelle. On en a parlé souvent cette saison. Il a lancé pour 4700 verges, 48 touchés. Ses cibles de choix, Jamar Chase, Justin Jefferson, deux receveurs de passe, là, vraiment étoiles. Là. C'est des gars qui vont être excellents dans la NFL. Petit bémol, par contre, pour LSU, ça s'est tombé la semaine dernière. Okay. Blessure à Clyde Edwards-Helaire, qui est leur porteur de ballon numéro 1. On dit qu'il se serait étiré un muscle aux ischio-jambiers. Donc, on ne sait pas à quel point ça va l'impacter dans ce match-là. Ceci dit, du côté de LSU, comme plusieurs équipes de la SEC, là, t'as un joueur qui est dit blesse. Ben, t'en as souvent un, deux, peut-être trois qui sont prêts à prendre la relève. Là. Je regarde des joueurs comme... je regarde des porteurs de ballon partout comme Tyron Davis-Price ou John Emery, deux gars qui c'est leur première saison dans le college football. Ils n'ont pas contribué pour beaucoup cette saison, mais à chaque fois qu'ils ont contribué, des bonnes statistiques au tableau. Donc, peut-être qu'on va sortir avec un comité de porteurs de ballon de ce côté-là. Puis du côté de la défensive de LSU, là, rapidement, on le sait, là, c'est une défensive qui a tendance à être étoile. Cette saison, on dirait que quand l'équipe venait par 5 touchés, des fois, il y avait un relâchement. Portez une attention particulière à Grant Delpit et Christian Fulton. On parle de deux demi-défensifs qui devraient sortir dans la première ronde du prochain repêchage de la NFL. Puis dernier joueur là, qu'il faut vraiment porter une attention, Derek Stingley. C'est un autre demi-défensif. C'est sa première année. Il joue comme un vétéran. Moi, je commence à le comparer à un gars comme Patrick Peterson. Okay. Il reste encore au moins deux autres saisons dans le college football, puis je pense qu'il va continuer de se faire un nom. Là. OK. Donc, tu y vas avec, normalement, c'est quoi LSU? Facile? Ouais, je vois LSU 42-28. Là. Je pense qu'au Oklahoma, ils n'ont pas le talent défensif pour rivaliser, puis l'offensive, à un moment donné, va juste être incapable de suivre LSU. Clemson contre Ohio State. Ouais, Clemson, Ohio State, beaucoup de gens disent que c'est un peu la finale. C'est présenté au Fiesta Bowl, le PlayStation Fiesta Bowl, au domicile des Cards de l'Arizona. Je pense que ça va être intéressant de voir surtout comment Clemson va se comporter. Là, on a parlé plusieurs fois cette saison, là, leur défensive les a souvent tenus dans le match. Une défensive un peu qu'on a vu sortir, on les a vu un peu sortir de nulle part. Je pense à des gars comme Isaiah Simons, AJ Terrell, des gars qui devraient sortir dans les deux premières rondes du prochain repêchage. Au niveau de l'offensive, ça a commencé un peu dur là, pour Clemson. On s'en rappelle, on se demandait qu'est-ce qui se passait avec Trevor Lawrence. Après le mois de septembre, il avait lancé quasiment autant d'interceptions que de touchés. Puis il a terminé sa saison en force. Là. 3100 verges, 34 touchés, 8 interceptions. Je pense qu'il a lancé une interception dans tout le mois d'octobre et novembre combiné. Il s'est vraiment réveillé. On rajoute à ça des receveurs de passe étoiles comme Justin Ross puis T. Higgins. Puis naturellement, ça fait un an et demi qu'on en parle, Travis Etienne, un des porteurs de ballon probablement les plus sous-évalués au pays. On parle de lui qui a déjà couru pour 1500 verges, 17 touchés. Du côté des Buckeyes, ben on le sait, là, c'est la défensive là, qui reste exceptionnelle de leur côté. Là. Chase Young. Chase Young qui va être un choix de première ronde, c'est facile. Ça. Ouais, c'est un choix de top 3. Ouais. Jeff Okuda, qui est un demi-défensif aussi. D'après moi, c'est un choix du top 10 aussi. Donc, deux gros joueurs dominants. Puis tu rajoutes à ça plein d'autres joueurs de qualité. Puis du côté de l'offensive des Buckeyes. Ben, tu sais, je pense que ça a été une saison de transition qui est assez intéressante. Là. Il y a eu la transition entre Urban Meyer à Ryan Day, là, qui a fait une belle job là, comme instructeur à sa première saison. On remplaçait Dwayne Haskins, qui était un choix de première ronde l'an passé, par Justin Fields, qui a connu une saison formidable. On parle d'un gars qui a lancé pour près de 3000 verges, 40 touchés. Il rajoute à ça pas loin de 500 verges au sol, 10 autres touchés. Il y a des cibles de choix, le Chris Olave, puis KJ Hill, c'est des receveurs tout autant étoiles là, que Justin Ross ou T. Higgins du côté de Clemson. Même son cloche, le porteur de ballon, J.K. Dobbins pour Ohio State, un autre joueur étoile. Donc, c'est deux équipes qui sont très, très, très similaires. honnêtement, je sais vraiment pas comment que ce match-là va jouer. En ce moment, les paris sont que je pense que l'équipe favorite est Clemson par 2 points. Donc, même pas un placement. Je m'attends à un duel extrêmement serré. Je pense que ça va être du très, très bon football. OK. Donc, ça devrait être très, très serré, Clemson et Ohio State. Tu vas y aller avec Ohio State, quoi? Ouais, je vais y aller avec les Buckeyes. Je favorise les Buckeyes 33-31 dans la demi-finale. OK. On va faire une pause et on va aller avec les bowls rapidement, les meilleurs bowls que tu prévois le 1er janvier et également dans le temps des fêtes. Vous êtes à l'écoute de la rétrospective ou encore les bowls sur les ondes de danresesport.com avec Wall. Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Missassini au numéro de téléphone 418-276-6102. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Merci pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 418-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. Évidemment, on est autour avec Wallet pour parler de la NCAA. Wallet, évidemment, là, on est vendredi, donc là, on est après Noël. Les bowls, les meilleurs bowls sont maintenant là. À part les deux matchs éliminatoires, y a-t-il des matchs que tu trouves vraiment intéressants et qu'il faut surveiller? Sûrement le 1er janvier, là. Oui, juste avant le 1er janvier, là, un peu pour se mettre dans le bain, là, le 28 demain matin, dans le fond, là, on a le Cotton Bowl entre Memphis et Penn State qui va être présenté à TSN à midi, pardon. J'aime tout le temps ça voir le match entre l'équipe du Group of Five là, contre l'équipe du Power Five. Souvent, là, une équipe comme Memphis va se présenter assez fort. Là, je pense que ça pourrait être un duel intéressant. Puis sinon, ben comme tu l'as mentionné, là, naturellement, ça se passe par la suite, là, les bowls qui ont lieu plus tard là, dans la semaine. Tu as le Orange Bowl lundi soir, que je pense qu'il va attirer déjà le Virginia contre Florida. Ça devrait être un match, selon moi, relativement facile pour les Gators. Puis sinon, peut-être porter attention au Tony the Tiger Sun Bowl qui est présenté mardi après-midi sur CBS. Okay. Arizona State contre Florida State. Le match en soi devrait être intéressant. Moi, ce qui m'intrigue année après année, c'est le stade. C'est un stade qui a été bâti en même une montagne. Vraiment le plus beau stade aux États-Unis. Puis sinon, tu l'as mentionné, le 1er janvier, on a une belle brochette de matchs toute la journée. Ça commence en début de journée avec le Outback Bowl. On a parlé avec notre ami Benjamin Saint-Just dans les derniers jours. Minnesota qui va se frotter à Auburn. Je pense que c'est un match décisif pour Minnesota si on veut continuer de bâtir pour la saison prochaine. Ça pourrait être un match très intéressant pour eux s'ils sont en mesure de gagner. Après ça, on a le Citrus Bowl, Alabama, Michigan. Je pense que ça va attirer beaucoup de gens. Ça, c'est mercredi le 1er janvier à 1h. On le sait, à Alabama, il y a du talent. Là, je commence un peu à faire mon analyse pré-repêchage. Puis je suis capable de voir environ quasiment une douzaine de joueurs que je vois partir dans les 2 ou 3 premières rondes du repêchage. Du côté de Michigan, une grosse victoire contre Alabama, ça pourrait sauver le poste d'entraîneur-chef à Jim Harbaugh. Puis sinon, bon, on continue. Tu penses qu'Harbaugh pourrait être limogé? Je sais pas s'il serait, il pourrait être limogé, mais s'il fallait qu'il y ait un poste d'instructeur-chef qui s'ouvre dans la NFL, lui pourrait partir. Exemple, les Cowboys, exemple, les Redskins. Est-ce que les deux parties, quand je parle des deux parties, est-ce que l'Université de Michigan puis Jim Harbaugh pourraient s'entendre sur « Hey, on va passer à autre chose, puis on va espérer trouver un entraîneur qui va nous ramener autant et même plus de succès que toi. » Moi, c'est surtout à ce niveau-là que je le vois. S'il fallait que Michigan remporte le match contre Alabama, je pense que beaucoup de gens vont voir Michigan là, comme un des aspirants en 2020. Puis sinon, ben on termine la journée avec deux bowls classiques, là, les deux plus vieux. Le Rose Bowl, naturellement, qui est joué dans le stade des Bruins à UCLA. Wisconsin qui se déplace en Californie pour aller affronter les Ducks d'Oregon. Je pense que ça va être un match de football assez incroyable. Beaucoup de talent des deux côtés du ballon. Puis finalement, le All-State Sugar Bowl qui est présenté au domicile des Saints des Saints de la Nouvelle-Orléans. Baylor qui affronte Georgia. Georgia, par contre, qui ont beaucoup de blessures. Ils ont déjà trois joueurs de leur ligne offensive qui ont annoncé qu'ils ne seraient pas du match pour soit des blessures, soit pour se préparer au prochain repêchage. Donc, la ligne offensive des Bulldogs, qui a été leur talon d'Achille en 2019, je pense que ça ouvre une belle opportunité là, à Matt Rhule puis c'est Bear de Baylor là, d'être compétitif dans un match important en fin de saison. OK. Ben, Wallet, je vais te souhaiter une bonne année, beaucoup de santé, de bonheur, de prospérité. Ça achève nos chroniques. Après ça, ça va être le championnat. On va parler du championnat national. On va avoir deux autres chroniques après ça, puis ça va être terminé. Santé, bonheur, prospérité et encore beaucoup de NCAA en 2020. Excellent. À toi aussi, Danny. Notre ami Wallet qui nous parlait de la NCAA.